Que dire en conclusion? Bon, le rock aujourd'hui, hein, c'est une galerie, une galaxie de styles. Hein, c'est plus le rock que tu écoutes, c'est pas le rock que tu as entendu avec Elvis tout à l'heure. C'est sûr, le rock a évolué. C'est devenu une attitude, une mode de vie. C'est rentré dans les mœurs. Le rock aujourd'hui a ses musées. Hein. John Lennon a dit, le jour où on rentre au musée, on sera mort. Hein. Alors, mais bon, le rock, il a ses musées, il a ses colloques universitaires. Les sociologues s'en emparent. Et quand les sociologues parlent du rock aussi, c'est particulier aussi. Hein. Non, mais bon, c'est devenu un objet d'étude très important. Alors là, les sociologues s'intéressent au rock depuis les années 90 à peu près. Il y a des formations universitaires en France. À Liverpool, vous avez un diplôme Beatles hein, de troisième cycle. Sur l'étude. Oui, bien sûr, oui, un diplôme de troisième cycle Beatles à Liverpool depuis 2 ans sur l'étude de la musique des Beatles. Il y a de quoi dire, hein, quand même. Et donc, la Bretagne aujourd'hui reste encore une terre de musique, quand même, une terre de musique. C'est la deuxième région après Paris pour l'industrie, mais la production musicale. Hein, il y a quand même beaucoup de groupes encore aujourd'hui. Il y a les Vieilles Charrues. C'est quand même le plus gros festival européen, un des plus gros, oui, je pense, le plus gros en Europe, avec Glastonbury et Benicassin en Espagne. Mais je pense que les Vieilles Charrues, c'est supérieur à ces deux festivals. Le Pays Bigouden, qui est leader aujourd'hui dans le Pays Bigouden? Il n'y a pas trop de rockers, il y a quelques jeunes comme Frénésie, des jeunes rockers qui démarrent depuis quelques années. Bon, le Pays Bigouden en matière de rock aujourd'hui n'est pas à la pointe, hein, ça c'est clair, hein, c'est clair. Des concerts de rock importants, il n'y en a pas. Il y a pourtant des belles salles à Guilvinec, à Pont-l'Abbé, ici. Il n'y a pas beaucoup de rockers, des pointures du rock qui viennent là, ici. Hein. Il y a beaucoup de festivals, peut-être trop de festivals. Hein. On voit que les Vieilles Charrues, cette année, la journée de jeudi ne fait pas le plein, hein, quand même. Hein. Il y a peut-être trop de festivals maintenant en Bretagne. Ça va finir par certains vont finir par prendre des bouillons. Hein. Pour revenir au Pays Bigouden, qu'est-ce qui, en matière de mon point de vue, en matière de musique, les Sons et Rien de Dû. Voilà, les Sons et Rien de Dû, c'est plus dur. Il y avait un petit côté rock et blues dans les Sons et Rien de Dû, quand même. Et bon, le bagad, c'est la musique, c'est le bagad de Cap Caval hein, qui fait parler, qui représente le Pays Bigouden en matière de musique. Hein. Voilà, le rock, on peut pas dire, il y a un festival Festibigoud à Pont-l'Abbé, mais il n'est pas énorme. Compte tenu du passé rock du Pays Bigouden, il devrait avoir beaucoup plus de choses. Mais bon, c'est comme ça. Donc on est à la pointe avec les bagades, Cap Caval et avec Quimper, un des meilleurs bagades de Bretagne. Et puis les Sons et Rien de Dû qui vont fêter leurs 45 ans cette année au mois d'août, et qui est un excellent groupe dans son style. Voilà. Merci bien. Voilà un peu vite. Maintenant, vous avez plus de détails dans mon bouquin. Qui va de 62 à 72. Merci beaucoup. Pour clore ensemble ce moment convivial, la municipalité vous offre un petit verre de l'autre côté pour qu'on continue à discuter ensemble. Voilà. Et puis rendez-vous au 31 pour la suite.